أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كون تاي إن شاء الله نتامبلي لي جيم سي والو أجي أجي aj mak nga xamne buñ né aj rek moy né dañuy xamne aj mak la motax ñuy wax aj nak dafa nek lo xamantene ni lu yalla faratal la ci kiko ki nga xamne da ko man mais nak aj comme ni nga xamantene ni ndax ponk l'islam ci ponk l'islam yi la bok moy né ginnaw ñaari baatu sédé moy da ngay sédé né yalla rek moy yalla bo xamne mom lañu wara jaamu mom lañu mëna jaamu ci deug ta bokoy jaamu do and ak lor ta jaamu ko njariñ rek ka ci am ndax lan motax ñuy wax lool moy ne bo ne no moy yalla mom rek lañu wara jaamu moy da ngay gis ne amna yenen yalla yu nit ñi di jaamu nit ñi ngi jaamu lenen bo ne mom rek lañuy jaamu moy ne day mel dañ nan mais amna ñeneen ñi jaamu xërum idole yek yoy ñu ngi jaamu sauf que légui dañ ci boole ci deug mom mi ñu wara jaamu ci deug moy ñeneen ñi jaamu ñu leen di jaamu ci neen la tek moy warul ta tek ci jaamu yalla ndariñ rek kat ñi nek ta amul lor alors que yeneen ñi jaamu yeb lor yi neen la amul ndariñ moy na nak nit ñi dañuy fogné nak affaire bi moy ni ci nek comme ñi nga xamné ay xërum rek lañuy jaamo ak yoy ñom dañuy dem bu affaire bi même bu dé sa nañ né julli lañ mais diko ci bolé ñom dañuy japp né xërum yi li ñu man dañu am puissance bu graw bo xamné bo leen moytuul dinañ la faagaagal alors que loolu deug bu ko défé le fait que nak nga gëm loolu moy ñom par exemple wa jo xamné xëru ginné bi mom moy nek ci xambu yek yoy ginné la rek day ñew na len il faut ngeen tour fi déré man premier man na len wax genar ngeen dem ba ci yag muy wax ay xaraki ay nag ak lu nek moy né yow da ngay dem mujju ruiné wu ba paré ta bo yagé ñew bo démé mo kiñ japon mu tané ñu bayé ko mu dem ci gëjë ñew joxé wu gëj faaray wala gëjë ndé ay adil day jék rek fékkat ko songat ko ñu naan wéy da ko daanalati ngir dafa soxla wa way c'est ça moy né kon lool nga gis né koku limi jaamu lor rek la ta lool moy li gina ndaw ndax le fait que ngay bokalé sa borom ak kenen lool rek gina ngand yenen yi mom même bou dé metti la mais ñoo gina touti par rapport ak lele kon moy né da ngay essayé dé né moy ponk l'islam que né yalla mom moy yalla yo xamné mom lañu man mom lañuy jaamu ci dëgg ta jaamu ko ndariñ rek la ñak ko jaamu lori nén la benen bi moy nga sédé né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni moy ndaw yalla la ndax bo gëmul né yalla ko yoni premièrement kon alcorane man nañ yow do ko gëm ay man ko gëm ndax budé man gëm gëwuma né ki li ki yalla ko yoni mu ñëw né ma li téréb yalla do ko gëm tek ci yim may wax yeb dootuma ko gëm yi ñu naan day no yoy yeb taxaw moy né bo sédé ñaar yoy nga xamantene ni ñoy yi nga xamne ñoy ñoy ñëk ci koy tuup sax lool rek ngay wax yi ci dess après day ñëwaat mais yi day am man na xaar moy koy tuup gendu nako erreur bi ñen ñi di def bayil ba vendredi nga ñëw ci mais bu déwé avant vendredi nak mais tuup jarul ay nañ leen dem ci imam dekk yo jar ko ku ñewoon fi bëgg tuup légui bu duggé fi néma dama bëgg tuup manako da nga bëgg tuup mu néw wa duma fi nekk nak ay di enquête ay est ce que li dédé dang koy lan def gëm na yalla voilà nit moy man bu ñëwé dina ko expliquer yenn yi ki diine après nako tuddul baati sé day mu jeex mais nekk fi nan ko ay bayil ba aljuma mais légui esta bobu nonu tok bu dewe ci digënde yow ya am responsabilité way deug la moy né na tuub légui après yeen yeenon yoy yeen bokku ci way ay imam ko tubal mom tubal mom mom mom mom bu ko waxe sax ba di soxlawul di dem ci nit di ko wax sauf ko bu ko waxe ci dañuy xamne ki julli la ñu xamne julli la nit ñi reconnaître voilà mais yow bu ñewé ci yow ne da bëgg tu dag nan ko condition ay li la da ngay sédé né yalla moy ben bour la bo xamne mom lañu wara jaamu ci dëgg jaamu ko and ak nga xamne ay bénéfice nén la ñak ko jaamu lor la ta tamit né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mohammed ndawam la jeex point final yaangi ci diiné ji amul baptisé yoy yépp amul aljuma nañ baye ba sëriñ bi dina mag ji dëkk bi da fay wëré ñëw nañ xaar mu aksi ak khalifa bi aksi yoy yépp ay yoy mom ñu xam nga koy def dédé ñaar yo ñoo ñëk légi nga gëm né bo gëmé yoy moy yoy moy les fondements les fondamentaux yi nga xamné man dañak légi dafa am ndax yi ni moy pour nga dugg ci l'islam manu dañak légi mo am yo xamné ci l'islam fondement l'islam yi nga xamné dang koy pratiquer dafa am yo xamné man dañak moy da ngay taxawal julli moy 5 prières yi mom dang koy taxawal lolou nak dagay da fa soxla nga xam heure yi yan ñoy heure prière yi ak heure bu nek fan la commencer ak fan la yem ba yow nga xamne nga mëna xamne bu kenn ñew rek ne la oh non sa way yow 14h lañ def ci mosquée bi kon 14h wessu na rek nga japp ne ci calendrier bi julli yeesu na de lolou dang ko wara xam moy kon dañu wara taxawal julli te julli mëno ko taxawal bo xamul waxtu yi moy kon lolou dans 5 minutes ñu wax lako mu jeex waay compliqué wul li gaay fop legi kon moy da ngay taxawal julli moy iqamatu salat taxawal nak lañ wax wamu ñu ngay nga koy def num la neex moy dang koy def ci ay waxtom respecte condition yi balanga ki nga japp ay man mom dama sel jarul may japp yoy mo waxi taxan moy bo jappul de façon bo julé baxul da yone nda so mo ne yalla de mom du nangou julli kenn budé jappam dafa toj fek jappul kon nak bo fi nekké nan man dama sel dama ki té nga jogé ci wanak bi ñew ñu ne la julli jot na nga jog rek julli nan man dama sel ci julli baxul c'est sûr moy da ko don gymnastique da yow li ngay def sax da ngay fonto diine ji ouais c'est sûr ouais légui kon julli après azaka moy da ngay nat azaka ñi nga xamné mom matal na lum joxe azaka moy lum joxe azaka moy dafa na azaka du ci xaaliss rek ci xaaliss rek ndax nit ñi ñen ñi dañu fakk ne mais ku amone ay beuy yu bare ay xar yu bare yu mel non yoy dañ ci genn azaka moy ne azaka dama dang koy genné budé am nga condition yi c'est alal di wala nga am ay takay voilà takay aussi ça dépend vous je crois que ça doit être l'équivalent de 80 grammes d'or 80 grammes d'or 85 grammes lolu moy par exemple budé dama am alal xaliss dañuy xol équivalent à 85 grammes d'or. Lolu budé am nga lu tol non. Ouais. Té dañ né sax do ko bo xamné lolu xamné do ko tak ko. Waaw takay mom takay benen affaire la. Takay budé jigen go xamné da koy tak. Pour takayam la. Waaw. Mom lolu du ci génné asaka. Du ci génné asaka. Né budé takay yu mu yor diko jaay. Bobu da ci génné asaka. Moy comme que légui génn na kon ci cadre lu muy tak mais lu muy jaay la kon day bokku ci yi nga xamné dañ leen di jaay marchandise ñi jaay bu boba bénéfice bam tay am bu remplir les conditions yi dañ ci génnal la mais bu doy takka yoy sol ni digeen ni ñi sol non pour ñom non lool duñ ci génn azaka ki li gëna deuguer ci waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhi légui kon moy bo génné azaka kon nga woor koor bu joté 30 jours wala 29 29 moy ciosan bi sax ndax yaram salam da newon ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza moy wer dal ci l'islam 29 lay doon mo tax mo newon de len mu ngeen mu ngeen gisu ngeen wala le calendrier arabe c'est 29 waaw 29 moy moy moy wéru julit mais day mat 30 lég lég day mat 30 waaw mom dal du wésu 30 ouais ouais 31 mom amul len nak amna moy bo déggé ci l'islam ñuy wax affaireu ay calendrier ay affaireu wér grégoire mom calendrier grégorien bi mom man nga ko jël faté mom waxu ñuy mbiram moy buñ né koor 1 mois lañuy wo 12 janvier 1er janvier ba 31 janvier non non mom kay dañu nan moy budé ci wolof yi ay wéru koor bi lool lañuy wax wér wo nga xamné ramadan nga xamné soit mu mat mu nek 29 wala 30 moy du dépasser 30 bo woré ba 30 mat gisu wer sax par force da ngay do mom mom mom da ngay wori mom da nga xamul fu mu genné fenné moy man na ngiss wala mu am ay nir wala yu mel non wala dal am lu tax ñu mais 30 kenn du ko dépasser légui kon moy bo wo kon lolu moy koor gi bo paré ci koor gi moy da ngay dem mak nagay aji mak ki command ko ndax yalla mo ne walillahi ala nnas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila yalla mom mo am ci kaw nit ñi comme lo xamantene da len ko tek hajjul bayt ñu aji neega bi bu ne al bayt rek la wax moy kaaba ga la ci djub mais est ce pour ñeub la mune man istata'a ilayhi sabila ñi nga xamantene am nañ kep ko xamne am nga possibilité pour def ko légui possibilité yoy yam ñoy condition yi nga xamne ño wara remplir pour nit ki na man na ak yoy inshallah tamit di dañu gis ndax yoy dafa jara xam est ce que man na lepp xaliss ngir aji je pense après yoy yeb dinañ ko gis moy damay poser ay question non pour muy hypothèse yi mana xew bo lebe munulo lolu nañ wax legui lu gatt rek mais après nañ ci gina ñew moy ne lolu dafa moy duñu ñew rek ne dedet wala waw moy dañuy xol moi si tu me poses je te dis peut-être non parce que comme dañ nga mën ko voilà mën ko waxuñ parce que moi buma démé lébi c'est parce que mënuma voilà tu vois mais bo mune tu vois do lép lolu nak motax xam nga lolu xam nga gisine bi nga gis ñu bari lolu lañuy gis lutax moy lolu tax ñu soxla alcorane ak yefi diiné ñu soxla ci borom xam xam da buñ baye ku nek di wax xelam rek moy mom nimu ko jappé day am ay texte yu ñew yo xamné mo xam ci alcorane bi la sax mom mais gisul lolu côté bob wala ay texte yo xamné yaronata sallam moko wax yu wané né li apparent fi sans apparent bi du lolu ngay japp lolu mo tax ñu soxla borom xam xam nga xamné dañuy gis lu bari dañuy lire lu bari dajalé ci buñ jëssé ben question texte yi ci wax yépp lañuy dajalé ngir après ñu man ci tirer ben leçon motax duñu ñew rek dégg ñu né li rek ñu né wala texte bi ko alcorane ni li kon li la dañuy xol est ce amul leneen ci bir alcorane d'abord lo xamné téggina arté bo wala woyofal nako wala bu doon lo xamné da ngay yow première dégg da ngay fogné obligation la est ce amul leneen luy wané ni du obligation même ci bir texte bi ak bu amul fofu ñu xol est ce amul ben hadith wala ay hadith yo xamne dañu ñew yuy wané né loolu du farat liñ wax ci alcorane comme yu mel loolu tax yu mel non nga xamne dañu soxla borom xam xam muy leral yu mel non motax ñuy téré ci diiné ko xamne day wax ak xelam ndax boy wax ak sa xel da ngay wax ak sa xel ké wax ak xelam keneen ki wax ak xelam yeen ñep ngeen dajale seen xel alors que mirmi non non da ngay wax sa xel nak la celui qui sait ce que Dieu a dit voilà. Tranche il voilà. Te dit ce, tu vois voilà ñoon nak ño wara wax ñoon c'est ça qui nga xamna xamna le tout que ce que Dieu a dit vraiment tu vois c'est lui qui va voilà comme lolu lolu nak mo am solo alors que ñun ñun légui suñu jamono doxalatu ñono moy ne bu dé ci diiné ku mu neex wax la wax sa xalat li gaay di def ci radio yi après journal 30 minutes 20 minutes wala 10 minutes wala 15 minutes yoy di dess ñu né ubbi nañ li ñi wax sa xalaat ñom bu ñom diiné non lañ ko japp comme actualité alors que buñ néwon dafa am ben centre nucléaire bu am problème feulé ñu wo gaay ci plateau télé ñen lañuy wo est ce que dañuy genn ci mbéd mi gis ben way bu romb rek ñu né ko kay waxal ñu ci affaireu problème nucléaire bi guerre bu amé dañuy wolé stratège de guerre ñi nga xamné ay économie ay ki science po lañ def wala yu mel non ñom ñu wax ci mais bu dé diiné mo ku né da ngay sét lu wax Sénégal lég lég dañuy wax waxi diiné ñuy wo am musicien ngir mu wax ci diiné ñu xam nga lool yabaté la alors que bu ñuy wax ci walu économie ay économiste rek dañuy wo diiné ñi nak ñu fokk né mbir mi comme que man dal musulman la ci la juddo lu ma neex wax alors que du lool diiné ñi sax mo gëna graw wax ci économie mom loolu non même boudé baxul mais degré tolloul xaju la tollok wax ci diiné ji loolu non ndax bo né diiné ji mo wax li loolu yow moy comme si da nga né yalla moko wax wa deug la lool alors que bo né économie bi li démentir li Malthus wax ak ñi melni mom ay kele ñom en tout cas gaayo rek ñoon mo gina moy graw lool sax leg leg dara newu ci leg leg sax yow ya am deug nit ki lay gis mu ne la waji théorie de la main invisible baye len marché bi muy doxal bu ben état intervenir yow mi man mi ak sama xel xamna ne loolu doxul fen ndax état bi ay nit fa nek di nax nit ñi ñu ngi crise bi kon dañuy baye marché bi doxal loolu lool nga démentir ko grawul mais bu dé ci diiné day graw ndax dafa mel nak nane yalla légui comme li nga wax non moy né bo mané ñu né ñi ko man moy né d'après sama théorie moy comme dañ né ti ba way boko wa boko mune boko mune il faut nga am ce qu'il faut quoi pour man il faut nga am ce qu'il faut par exemple mi ngi melni nit ñaan la yoyu tiba amulo ngay dem di leb di maye tiba pour moi je trouve pas tiba amulo tu dis à la personne tiba voilà et puis boy maye aussi nga maye selon tes possibilités tiba baña def lo mënul quoi lay wax quoi waaw lool mom lool deug la ouais ouais c'est ça mais ñi amul dafa am ñaari façon nit ñi amul dafa am ño xamné jamono ji ñaari nit lañ ki jamono ji ñom ñaar ñi amuñu dara sauf que kenn ki mom mo ngi yaakar amna lu mu wara am ci kanam par exemple imaginer ko xamne salaire am dañ ko teyi won ndax dañ ne ko bo andi wul papier sangam de duñu la jox sa salaire ñu bloqué ko mu am 4 mois de salaire yo xamne dañ ko bloqué koku bo ñewé diko laaj moy amul dara nga ñew chômeur bi nga xamne mo amul tous amul sa RSA nga ñew nga laaj len ñom ñaar kenn amu ci dara mais ke mo tane parce que il suffit mu mana jot ci mu amé keuy ge rek day am alal alors que ki amul dara mom xaarul lo bu lol amul motax ka yoyu dañ ko ciy souralé motax dañ nan ñom ñaar yemon dañuy xol budé man gi waji lepp ngir aji mom dina mëna fay japp na né li ëpp ci ndjorta man na fay ba amna lu muy xaar comme li ma la ko waji kok dañ nan ko man nga lepp alors que ki ci dess dañ nan ko nono parce que yaakarul lu mu wala ndax koku dañ nan ko yow affaire bi aj concerné wala ndax manon alors que si tu penses que tu peux payer plus tard voilà wouma nak ay défé lo xamné yow min ko ko ci dara wa c'est ça na don lu wor quoi mu wor la ne tu vois imaginer ko xamné dafa lebalé 2 millions wa jo xamné mom xamné wa ju wor la dina fay mais nak fayagul moy fayagul mais lèr na ko ni ki dina fay wala mu lèr ko ni ki yoral ko 2 millions yi buy dem ci état bi wala ci ki yor justice bi dina fexé bam fay xam nga koku yemul ak ki nga xamne mom amul dara même koku sax da nga nan ti wa nga boko yobbo si yon ak yoy wala mais imagine ça c'est Dieu seul moi je dis parce que imagine nit ki si lui arrive quelque chose tu vois donc di munulo deugune ti wa même malgré nga am espoir tu vois comme on peut mourir de tu vois nit ki xamul eulegum quoi tu vois tayam rek la xam tu vois wa lolou deug la mais boudé ci até l'islam luñu ko tek ci lo xamné il faut mu am certitude à 100% ndax buñu ko ci narona tek ci mbir yi presque dundu gi dootul dox moy né duñu né nit ki bala nga def dara rek da ngay am certitude à 100% lolou motax dañuy dafa am ben règle ci l'islam bu nan li nga xamné sa xel dafa ndior lol ne lol la c'est comme si réalité la won mais waxuma ay ndior yo xamné amul fum tém ndax moy né même koku xam nga ko xamantene ni ndax ki may wax ki la yorel 2 millions moy peut-être commerçant la bu mat bu am ay magasin yoy yorel na la 2 millions wolu ngoko wala wo ndax yag nga ko lebal mulay fay mulay xam nga koku bokoy lebal yow pour mu fay la foko tek ci ndortu gu rafet rek moy ne li nga wax man nako dal moy man na la lebal 4 millions man nga ko lebal 4 millions mu dem de wala même autre chose même sauf que bu dewe mais gaay dañuy fay nga réclamer ndjobo voilà moy dañuy fay moy ne lolu motax ci ka yu mel non yi nga xamne en tout cas li ëpp ci ndortu presque certitude lay niru que ne dina fay ku mel non même bu amul dara bu de day leb pour dem makka dañ nan ko koku man na leb ndax mom amna lo xamantene ni il suffit mu am lum li jënd tout pour affaire bi ñew ndax amna nit ñoo xamne bu ñoro le nit fek jaaro ci justice juge bi forcer len ngir ñu fay duñ fay xam nga am nañu mel non mais lolu baxul na ah baxul nit ñu mel non lolu ñu def baxul même yalla warul bëgg lolu normalement lan non nit ki agirer lolu tu vois azuré mané nit ki def doxalé nonou tu vois wa nit ko xamné bu ko lebalé du fay wa c'est à dire wa fek forcé wuñ la nga fay tu vois wa ko mom non ku mel nonou mom en tout cas limi def baxul bo amé kay mu na fay way mais xaar ba ñu di lo tu vois non lool mom baxul dañ koy déré ouais c'est pas bien même le fait que nga yor nga kenn yorel la kenn yorel la dara wala yow nga yorel kenn dara nga ñew ba man ko nga ñew jamono mo am jamono jo xamne manoko jamono ji nga ko mané dañu bëgg jamono ji nga ko mané nga fay ko way c'est ça mais di def al kiliki di pouss avéré non non lañ koy téré way c'est ça loolu lañ ko ndax tamit bokul tamit ci li nga xamantene ni rafetal ci digënté la ndax ki la doon la wolu la wax deug way c'est ça loolu waxuñu ko limu def kok c'est dañ ko blâmer il est puni way mom dañ ko blâmer mais dafa am ci nit ñoo xamne non lañ mel yalla leen am naño xamne yalla non leen bindé moy né ñom pour ñu jël xaaliss joxé c'est difficile ci ñom même buñ xamé sax li may joxé dama ko wara joxé mais dañ ci mais amna ko dom ju mel nonu né ba elle est comme ça pour joxé dara moy ne yalla mo koy bindé ouais c'est ça lol ka xamna ko ouais c'est ça lo xobé imagine ko mel non mu lebon alal yu bari ben nit waji xamné ki am nako mais day way baña fay mu jaar ci justice mu fay ku mel non lol baaxul dé koku budé am goko koku man nga leb ak ki nga xamantene ni sukkandekuul ci dara moy ne mom mu ngi ni pour l'instant sax ligueyul day nala waka yew après mu ne mom na lebi de dañ nan ko yow yalla tegu yalla dane man istata'a ilayhi sabila ta yow bok manoko manoko teggil nañ lako ken tegulo legui moy ne lolu ay hypothèse yu ma don jox moy est ce que kon man na leb yiñ waxone est ce que man nga leb dem mak est-ce que yu bari la ak kon yo ci condition yi nga xamne mo aju ci nit ki ak ci côté alal ak condition yi nga xamne dafa aju ci walu wër gu yaram moy boudé est-ce que fièvre na fièvre bo xamne dakoy téré voyage ku mel nonou est-ce que koku man na aji ak ko xamantene ni mom dafa fever fever bo xamne yaakaruñu mu wër moy yaakar go xamne médecin yi da médecin yi amuñ ben certitude yaag nañuy wax nit ki mom mom c'est mort pour mom après waji djok dëgg lañu waaw moy né ñom buñu gisé né médecin yu woor yo xamne ñom japp nañ né ki mom li ko dal fever bi teurel nako mais yaakaruñu ci mom pronostic yeb wo yaakaruñ ne dina ñuk koku dañuy japp ne koku waj aj gi ta même boudé alal am nako koku dañuy japp ne aj gi wacc nako mom wacc nako après nak est ce que man na déléguer kenen adjal ko légui après inshallah dina ñuko gis ci biir inshallah légui kon moy kon côté aj gi moy dafa am yo xamantene ni kon yoyu nga xamne mom kon ci ponk l'islam yi la sauf que mom mo ci gina aj go gisé mom nekul farata comme julli xam nga julli mom bo febaré tudd salal sax da koy def alors que aj du ñepp ko man nga am alal sax do ko man nga am wër gu yaram mi do man waaw yoy yep moy na yoy après inshallah dinañ ko gis kon nga gis ne kon aj gi dafa am yo xamne dafa jëm ci yaram bu nit ki am yo xamantene ni moy ci condition am yo xamne ci walu alal mais nak yoy yeb nak boko amé bi ëpp solo moy nga xam ginnaw bi nga xam bala nga ci dem nga xam nan lañuy aja bala ngay dem di bayyi lo xamne boko bayé sa aja ndax lolu legui lan moy wonane acc farata la moy aya bi malo sank kon yalla dane mom mo am ci loss yi kaw nit ni ñu acc neegam beulé muy makka kaaba bi ben yoon nak lox sabilam ci dundum nit ku nek bi la yalla tek moy ben yoon legui nak mu am benen affaire il faut tamit ñun wolof yi ñu bayyi ben affaire moy dañuy gis ben way bu bari muy dem makka ñu naan ki mom day wanewu ñun xamuñu xolam lu ci nekk ta tamit l'islam dafa bëgg nit di dem makka lu bari lool jaamu yalla gu magga ay ñoo xor ci aussi way comme que si li ñu wax ne julli bo fa julli ni ko yalla ay fréctifier voilà moy yow bo julle ci kaaba bi waaw dulli ci kaaba bi mo pou doole julli fenen man lool la yaakar peter boy amna ño xamne c'est pour moi moy na yow li nga wax julli day am ndior bu rafet ci julli ci mbokk moy man buma ñewé ba xaw même bouré sax ci biti lima gis yépp damay won né ngissul la lima war moy am ndior bu rafet né non man da li gisuma li na fexé sa li samay beut ko gis mais xolam xaw mo waay waay deug na tamit apparence mom sa bu ñe di leg leg sa bu ñe di amna solo nak mais leg leg sa bu ñe di nit kuy dem mak ané bu jonne nga am ki lay yaq xolal rek ni wala ko ñu jox benen mbokk wala mu wa mais da nga xam lu tax waay waay man bu dé tollu na ma fofu li gina ndaw moy ma laaj ko nga laaj ko way amna fit bay wax au lieu may jëw man ko ne wa diw on da pas jé la diw man dama gis ngay dem makka at moné mais lu ko waral bu ko défé do ju né ñun duñu laaj ba paré nak di interpréter waaji ay jëfum wa deug la bu ko défé nga tomber ci ay bakkar yu diw moy lay waru way c'est ça kon moy né kon avier bi aj di par exemple aj ba paré di def ay di fa dem ay umrah yoy dafa yoy lu bax la ci l'islam yoy yep yoyu yo xamne sax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam da don ñaax nit ñi pour ñukoy def nga bëgg ñew waaju koy def nga koy ki bo mais nak bokku la tamit ko xamne moy ne lool bokku la tamit ko xamne da koy def ngir ñu naan ko ajaratu tidru ajaratu wala alaaji loolu mom way c'est ça loolu it baxu ndax loolu leg bu la taxé jog tam nga dem fofu sax sa aj du bax ta do ko xam motax xam affaire yi la ta ngay dem bax ndax man nga fa dem bayyi lo xamne imagineel ko xamne dafa dem bayyi ay ponku lo xamne ci ponku aj yi nga xamne après dinañ leen gis inshallah nga am bo ci bayyi dem to comme arafat jour arafat nga yewu dal ki woone ah on a bayyi rek ba suba la ñepp di ñew ci kaaba gi suba la tabaski moy liñ nane tabaski 10e jour na bayyi rek man maangi sama hotel ngi ci kaaba gi na bayyi jarul may dem arafat sama tension bi dafa ki wala dama tayel legi nga tok alors que tu vois après yow gis nga bu jexé waaw yow sa aj yakuna wa deug da nak yamul fof de bo nit bi won sa keur def fa 100 ans yit du ke dañ nan la del mo nga fay ak ja nga don ki nga réparer ak ga ay ja demal nga rép da ngay aji wat way way c'est deug la da way ba paré yamul fofu après yow di nga amna ndax aji yu bari amna yu bari yo xamné boko yaxé da ngay tour deret moy da ngay ray ben gat waaw yo inshallah dinañ leen gis tamit moy nak imaginer nit ko xamul yoy way deug la de way moy nga neewatal ko waaw parce que dang koy neewatal ko neewone neti waaw bu mako deful xamna c'est pas grave nan nan alors que way c'est ça dafa am yo xamne ay ponku la tu dois le savoir yoyu mom du deñ am yo xamne ay obligation la yo xamne tamit bo ci bayyi moy na yow da nga wara ay gatt am yo xamne ay sunna la am yo xamne dañ ko sopp yoy yeb nak nit ki da ko wara xam c'est ça way boko xamul nak après nga dem di aji ñu nan la aja ajaratu ki way aja diw ki mu ki alaaji diw yoy mom bayul solo kon moy yoy il faut nit ki xam ko lolu nak mo gina tax kon ñuy waxtane ci affaire legi ya pour man sama heure do dawa demal lokey moy ne kon bi ni ñew inshallah ni ñi def demal moy ni ñi procéder soit dañuy ñew ñu wax aji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam jeex moy lim aji bam jeex après ñu tirer ci aji gogul lan moy ponku yi yi nga xamne man da ñak ak yi nga xamne obligation la ak yi nga xamne dañ ko moy yu nekk lan wo ci war wala ñu commencé ci ponku yi bar ben comme ñu ne ihram moy da ngay am yene aj dañ la mëne yene ne man mi kat yene na ma aj ak ihram li ci yi oudu ci yoy yeb ak miqati nga xamne dafa am miqat zamani ak miqat zamani ak makani nga xamne moy beur bi nga xamne bude ci place yo xamne nit ki bo fa accès bu nek mo xam avion la nek wala gal wala day dox bu accès fof dafa wara armal ak tamit yi nga xamantene ni yu ci temps bi la nga xamne moy ne ban à partir de quel moment la man fass yene ne man ren gi dama beug dama yene na aji wala yene na umrah ndax affaire bi du aji rek ak ñaata façon aji mo am moy ñaata façon aji ndax façon aji dafa amna ñetti façon après niñ leen gi inshallah après moy buñu gisé ponku ak yi nga xamné lu ci yaq no koy réparer ak yi nga xamné mom pour nga réparer ko moy nga ñëwaat dewen moy nga ñëwaat dewe dewe ñëwaat ci yalla moy nga ñëwaat dewe c'est ça ak tamit yenn condition yi nga xamné comme may aji gaay bloquer sama avion légui manatuma dem ak ci mel nonu légui nan lay def xamna dal ci gartal buñu jëlé surtout ponk yi mo ci bu solo ak tamit yi nga xamné obligation wajibat yi buñu leen jëlé parti inshallah dinañu ci jappandalou yalla bu soowe yalla dina xawa leer touti waaw insha allah taala xamna ko ni yamani don wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.